il nous reste. Mais tu m'as pas dit qu'il y avait le gourbis, je comprenais pas. Bah, le gourbis, c'est celui où on a pioché tout à l'heure. C'est où je t'ai dit, il y a encore trois tables. Donc, est-ce qu'on les prend là pour aller. On va pas la louer, vous, on prend le 10. Si d'accord, on va cacher. T'as bien les connus. Oh putain, le chef, on m'attend bien, le chef. Oui, chef. Oh, chef. Yes, vous avez. Yes. Oh, trop bon, chef.